Chapitre 9e. Quand ils furent boulevard Haussmann, confortablement installés devant le feu, « Parlez-moi de votre sœur, » commença Newman sans préambule. Valentin le regarda vivement. « Maintenant que j'y pense, » répondit-il, « vous ne m'avez jamais fait une seule question sur elle. Je le sais bien. Si c'est de la défiance de votre part, vous avez eu raison. Je l'admire trop pour en parler sensément. » « Parlez d'elle comme vous pourrez. Laissez-vous aller. »« Eh bien, nous sommes très bons amis. On n'a peut-être pas vu un frère et une sœur comme nous depuis... Oreste et Electre. Vous la connaissez. Vous savez ce qu'elle est, grande, mince, svelte, imposante et gracieuse, moitié grande dame et moitié ange, humble et fière, un aigle doublé d'une colombe. On dirait une statue qui, en marbre, n'aurait pas eu de succès. » Et se résignerait à être chair et sang, à vivre, à porter de longues robes blanches flottantes. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle possède en réalité chacun des mérites qu'annoncent ses traits, sa voix, son regard et son sourire. Et c'est beaucoup dire. Généralement, quand je vois une femme charmante, je suis tenté de crier gare, mais avec Claire, vous pouvez vous croiser les bras et vous laisser aller au courant. Vous êtes en sûreté. Elle est si bonne. C'est une femme parfaite. Elle a tout. Voilà mon opinion sur elle. Là, ajouta-t-il, ne vous avais-je pas prévenu que je radoterais ? Newman gardait le silence, méditant sans doute les paroles de son ami. Elle est très bonne, hein ? Dit-il enfin. Divinement bonne. Charitable, douce, généreuse. La générosité même, la douceur distillée. Intelligente. Je n'en connais pas de plus intelligente. Mettez-la en présence d'une difficulté sérieuse et vous verrez. Aime-t-elle qu'on l'admire ? Parbleu, elle ne serait pas femme. Oh, quand les femmes aiment trop l'admiration, elles commettent toutes sortes de folies pour l'obtenir. Je ne vous ai pas dit qu'elle l'aima trop. Le ciel me garde d'une telle absurdité. Elle n'est trop rien. Si je vous disais, Claire est laide, je n'entendrai pas par là, elle est trop laide. Elle aime à plaire, voilà tout. Si elle vous plaît, elle vous est reconnaissante de la trouver à votre goût. Si elle ne vous plaît pas, elle ne s'en préoccupe pas et n'est fâchée ni contre vous ni contre elle-même. Tenez, je me figure qu'elle veut avant tout plaire au sein du ciel, car elle est certainement incapable de chercher à exciter l'admiration par des moyens qui n'approuveraient pas. Est-elle grave ou gaie ? L'un et l'autre. Non pas par boutade, cependant. Elle est toujours la même. Sa gaieté est grave, sa gravité est gaie, mais du reste, elle n'a pas de motif d'être gaie. Elle est donc malheureuse. Je ne dis point cela. Le bonheur et le malheur dépendent de la façon dont on prend les choses, et Claire a pour cela une recette que la Sainte Vierge lui a donnée dans une vision. Être malheureux, c'est être désagréable, ce qui pour elle est hors de question. Elle s'arrange de manière à être heureuse de son sort. « Votre sœur est philosophe, je le vois. »« Non, c'est une charmante femme, voilà tout. »« Sa vie n'a rien eu de bien agréable, cependant. » Bellegarde hésita un moment, contre son habitude. « Oh, cher ami, si j'entamais l'histoire de ma famille, je vous en donnerais plus que vous n'en voudriez. »« Non, non, pas plus, bien au contraire. »« Alors il nous faudra prendre un rendez-vous tout exprès, et fixer une heure matinale afin d'avoir plus de temps. Pour le moment, » qu'il vous suffise de savoir que Claire n'a pas toujours dormi sur un lit de rose. Elle fit, à 18 ans, un mariage qu'on crut brillant, mais qui tourna comme une lampe qui s'éteint, ne laissant que de la fumée et une odeur nauséabonde. Monsieur de Saint-Tré avait 60 ans. C'était un odieux vieillard. Il se rendait justice d'ailleurs et se décida à mourir peu de temps après. Dès qu'il fut mort, sa famille se jeta sur son héritage, fit un procès à sa veuve, tambour battant. Leur cause était bonne. Monsieur de Saint-Tré ayant eu à gérer la fortune de quelques-uns de ses parents et, à ce qu'il paraît, ayant agi plus que déloyalement. Au cours du procès, Maffeur fit de telles découvertes sur la vie privée de son mari qu'elle renonça à plaider et se lava les mains de la succession. C'est alors qu'elle eut besoin de tout son courage. Elle se trouva entre deux feux. La famille de Monsieur de Saint-Tré, tirant sur elle la boulet rouge, avec toutes sortes de prétentions plus injustifiables les unes que les autres, et ma famille, pesant sur elle pour qu'elle résistât. Ma mère et mon frère voulurent forcer Claire à défendre ses droits jusqu'au bout, mais elle résista et acheta enfin sa liberté au prix d'une promesse. Quelle promesse ? De faire pendant 10 ans tout ce qu'on exigerait d'elle, excepté de se remarier. Elle avait donc bien haï son mari. Personne ne peut savoir à quel point. On l'avait mariée d'après votre horrible système français, s'écria Newman. Les deux familles avaient tout arrangé, sans même consulter la partie intéressée. Un véritable roman. Elle vit M. de Saint-Tré pour la première fois un mois avant le mariage, alors que tout, jusqu'au moindre détail, était décidé, convenu. Elle devint pâle comme une morte en apercevant son futur. Pauvre sœur, elle a bien souffert. La veille de ses noces, elle s'évanouit et passa toute la nuit dans les larmes. Ma mère resta près d'elle, lui tenant les mains. Mon frère se promena de long en large dans sa chambre jusqu'au lendemain matin. Quant à moi, devant eux tous, je déclarai à Claire que c'était révoltant et que s'il avait assez de courage pour dire non à la mairie, je la soutiendrais. Mon frère me pria de me mêler de mes affaires et Claire devint comtesse de Saint-Tré. « Votre frère, dit lentement Newman, doit être un jeune homme vraiment charmant. »« Charmant, oui, mais pas jeune. Il a plus de 50 ans, mon aîné de 15 ans. Il a été comme un père pour ma sœur et pour moi. C'est un homme tout à fait remarquable. » Et il a de si bonnes manières. Personne en France n'en a de meilleur. Il est fort intelligent et très savant. Il écrit l'histoire des princesses de notre pays qui restèrent filles. Valentin avait dit ces mots avec le plus grand sérieux, regardant Newman en face. Son regard ne trahissait pas de double sens, ou du moins bien peu, mais ce peu n'échappa point à Newman. Vous n'aimez pas votre frère, demanda-t-il. Je vous demande pardon. Les gens bien élevés aiment toujours leurs frères. Eh bien, moi, je ne l'aime pas. Attendez de le connaître avant de vous prononcer, fit Valentin en souriant. Votre mère est-elle aussi très remarquable? Oh, ma mère, répondit le jeune homme, devenu grave tout à coup. J'ai pour elle la plus haute admiration. C'est une femme réellement extraordinaire. Elle est fille d'un grand seigneur anglais, n'est-ce pas? Du comte de Saint-Dunstan, très ancienne famille. Comme ci, comme ça, du XVIe siècle. C'est surtout du côté de mon père que nous remontons loin, loin, loin. Et est-on sûr, au moins, de ne pas se tromper? J'espère bien que non, grand Dieu. En tout cas, on se tromperait depuis des siècles. Et vous alliez jamais à d'anciennes familles? C'est une règle, un principe. Pourtant, dans une pareille généalogie, il y a nécessairement quelques tâches. 3 ou 4 belles gardes au XVIIe et au XVIIIe siècle prirent femme dans la bourgeoisie, épousèrent des filles de magistrats. « Oh, dit Newman, la fille d'un magistrat, c'est affreux, n'est-ce pas ?»« Horrible. Un de mes ancêtres, au Moyen-Âge, fit mieux, il épousa une mendiante. Vraiment, c'était préférable. Vous comprenez, on épouse une guenon, par exemple. Eh bien, au moins... On n'a pas à s'occuper de sa famille, on est tranquille. Quant à nos femmes, elles se sont toujours admirablement conduites. Pas une n'est descendue même à la petite noblesse. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait un seul exemple de mésalliance parmi les femmes de notre race. Il y eut une pause assez longue. Newman semblait réfléchir. Vous m'avez offert, lors de votre première visite, dit-il, de vous mettre à ma disposition si j'avais besoin d'un service. Je vous ai répondu que quelques jours j'aurai peut-être recours à votre obligeance, vous en souvenez-vous? Si je m'en souviens, j'ai compté les heures. Très bien, le moment est venu. Faites votre possible pour que votre sœur ait bonne opinion de moi. Bellegarde le regarda étonné et sourit. Elle a déjà de vous une excellente opinion, j'en suis sûr. Quoi? Après m'avoir vu 3 fois? C'est me mettre trop vite de côté. Je veux quelque chose de plus, j'y ai beaucoup songé. Et j'ai résolu de m'ouvrir à vous. Je voudrais épouser Madame de Saint-Tré. Le sourire de Bellegarde, à ces derniers mots, passa par 2 ou 3 curieuses phases. Il sembla un moment devoir s'accentuer fortement, puis s'évanouit peu à peu, et le comte devint tout à coup sérieux, malgré son désir évident de ne pas laisser paraître toute sa surprise. Mais comment la dissimuler ? Il se leva, tout agité, et sans quitter des yeux son interlocuteur, vint se placer devant la cheminée où il resta silencieux et pensif. « Si vous ne pouvez me rendre le service que je réclame de votre amitié, dites-le franchement, » commença Newman. « Attendez. Répétez-moi d'abord ce que vous m'avez dit. C'est très important, vous savez. Donc, vous désirez que je plaide votre cause auprès de ma sœur, parce que vous pensez à l'épouser. Est-ce bien cela ?»« Oh, je n'ai pas dit précisément « plaider ma cause ». J'espère être capable de le faire moi-même. Mais une bonne parole pour moi de temps en temps, qu'elle sache que vous m'estimez. » Valentin ne répondit que par un franc éclat de rire. « Ce que je veux surtout, » continua Newman, sans se déconcerter, « c'est que vous connaissiez ma pensée. C'est bien là ce que vous me demandez, n'est-ce pas? Je désire avant tout me conformer aux usages de ce pays. S'il y a quelque démarche particulière à faire, dites-le-moi, je les ferai. Je serais désolé de me présenter devant Madame de Saint-Tré sans avoir rempli au préalable toutes les formalités usitées en pareil cas. Dois-je aller trouver votre mère et obtenir d'abord son agrément? J'irai. Dois-je m'adresser à votre frère? Soit. Je ferai tout ce qui sera nécessaire. Comme je ne connais encore que vous de votre famille, j'ai commencé par vous. Quant à cela, si c'est un devoir social, ça a été en même temps un plaisir pour moi. « Oui, je vois, je vois. » murmura Bellegarde en se caressant le menton. Vous vous rendez parfaitement compte de la situation. Mais je suis heureux que vous vous soyez d'abord adressé à moi. » Il s'arrêta, hésita, puis se mit à se promener à pas lents dans la chambre. Newman se leva, s'appuya contre la cheminée et, les mains dans les poches, suivit des yeux cette promenade silencieuse. Enfin, Bellegarde, se plantant devant lui, « Ah, j'y renonce !» s'écria-t-il. « Je n'ai pas la prétention de ne pas être surpris. Je le suis, furieusement. Oui, ça me soulage. » « Une nouvelle de ce genre est toujours une surprise, » dit Newman. « On a beau faire, les gens ne sont jamais préparés. Mais si vous êtes surpris, j'espère du moins que vous êtes content. Écoutez, je serai d'une effroyable franchise. Je ne sais si je dois être content ou terrifié. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais vous n'êtes pas noble. » « Je le suis, » cria Newman. « Je le suis de par tous les diables. » « Oh, je vous demande pardon. Je ne savais pas que vous eussiez un titre. » « Un titre ? Qu'entendez-vous par là ? Duc, comte, marquis ? Je ne connais rien à tout ça. Je ne sais qui l'est ou ne l'est pas. Mais morbleu, je soutiens que je suis noble. » « Que signifie ce mot-là en France ? Je ne me rends pas bien compte exactement, mais c'est un beau mot qui exprime une belle idée et je me l'applique. » « Mais pouvez-vous le démontrer ? Mon cher ami, avez-vous des preuves ? Tout ce que vous voudrez. Seulement, ce n'est pas moi, je présume, à prouver que je suis noble, mais à vous, de me prouver que je ne le suis pas. » « Rien de plus facile. Vous avez fabriqué des cuves. » Newman le regarda fixement pendant un moment. « Et c'est pour cela que je ne suis pas noble. Je ne comprends pas. Dites-moi quelque chose que je n'ai pas fait, que je ne puisse pas faire. » « Vous ne pouvez pas épouser une femme comme Madame de Saint-Tré tout bonnement parce qu'elle vous plaît. »« Dois-je conclure, » dit lentement Newman, « que vous ne me trouvez pas digne d'elle ?»« Eh bien, brutalement, non. » Pendant la légère hésitation qui précéda ce nom, Newman avait fixé sur Bellegarde un œil ardent. Il rougit un peu et ne répondit pas d'abord. Il leva les yeux vers le plafond et resta ainsi quelques instants comme absorbé dans la contemplation des amours roses peints autour de la corniche. « Naturellement, » dit-il enfin, « je ne prétends pas qu'une femme m'épousera dès ma première demande. Je compte chercher à plaire et à me faire accepter. Si elle n'a pas de sympathie pour moi, tout sera dit. Mais je suis fort surpris d'apprendre que je ne suis pas assez bon pour tenter l'épreuve. » Le visage du jeune comte avait une curieuse expression d'embarras mêlé de sympathie. « Ainsi, vous n'hésiteriez pas à demander une duchesse en mariage, comme ça, tout de suite. »« Non, si elle me plaisait. Mais je suis difficile, et je pourrais fort bien ne pas la trouver à mon goût. » Bellegarde commençait à s'amuser énormément. « Et vous seriez surpris qu'elle vous refusât. »« Vous allez me trouver présomptueux, » en répondant oui, « et cependant, je serais surpris, je l'avoue, car je lui ferai vraiment une magnifique proposition. »« Quelle proposition ? Mais... » Je lui offrirai tout ce qu'elle pourrait désirer. si je rencontrais la femme de mes rêves, je ne trouverais rien de trop bien pour elle. Il y a longtemps que je la cherche. De telles femmes sont rares, et je commence à croire qu'il me sera difficile, sinon impossible, de trouver réunies toutes les qualités que j'exige. Mais une fois la difficulté vaincue, je ne lésinerai pas sur la récompense. Ma femme aura une fort belle position, et je ne crains pas de dire que je serai un bon mari. Et quelles sont les qualités exigées? La bonté, la beauté, l'intelligence, une éducation soignée, la grâce et l'élégance. En un mot, tout ce qui rend la femme désirable et la fait souverainement belle. Et la naissance, évidemment? Oh, la naissance aussi, par-dessus le marché, si elle s'y trouve. Plus il y en aura, mieux cela vaudra. Et ma sœur vous paraît réunir toutes ses qualités. Justement, elle est mon rêve réalisé. Et vous seriez pour elle un bon mari. C'est ce que je voulais vous prier de lui dire. Bellegarde posa sa main sur le bras de son amie, et la tête penchée, l'examina un instant du haut en bas. Puis, avec un grand éclat de rire, il reprit sa promenade à travers la chambre. Après deux allées et venues silencieuses, il revint se placer en face de Newman. Tout cela est très intéressant. C'est vraiment très curieux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure m'était dicté par mes traditions, mes superstitions, si vous aimez mieux. Mais personnellement, votre proposition me flatte. Elle m'a d'abord un peu surpris, je l'avoue. Plus j'y pense, cependant, plus j'y découvre de bons côtés. Il est inutile de chercher à vous rien expliquer, vous ne comprendriez pas. Après tout, je ne vois pas de quelle utilité ce serait pour vous et vous ne perdrez pas grand-chose. Ah, si vous avez plus d'explications à me donner, essayez toujours. Je veux marcher les yeux ouverts, je ferai de mon mieux pour comprendre. Non, dit Bellegarde, ce me serait désagréable, j'y renonce. Vous m'avez plu dès le premier jour, je vous l'ai dit, vous m'en imposez. Et ce sentiment s'est encore accru depuis 5 minutes. Je serai donc ridicule en prenant envers vous des airs protecteurs. Laissons aller les choses. Je ne vous dirai pas un seul mot que vous ne puissiez me dire vous-même, si vous étiez à ma place et moi à la vôtre. Bellegarde, en parlant ainsi, croyait peut-être être très généreux. En ce cas, sa générosité ne fut ni récompensée ni même appréciée. Newman ne se douta pas de ce qu'il aurait pu entendre de pénible pour ses sentiments les plus intimes, et l'idée qu'il en était quitte à bon marché n'entra pas un seul instant dans son esprit. Il ne remercia même pas Valentin d'un regard. « Il y a une chose que j'ai cru comprendre malgré vos réticences, dit-il, c'est que votre famille et vos amis me traiteront très vraisemblablement avec dédain. Pourquoi ? Je ne sais trop, car c'est la première fois que j'envisage ce côté de la question. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je crois valoir autant que les meilleurs, si vous voulez le savoir. Que sont les meilleurs ? Je l'ignore et ne m'en inquiète guère. Mais je suis sûr d'être leur égal. J'ai toujours eu très bonne opinion de moi-même, je l'avoue. C'est de l'orgueil, je vous l'accorde. Mais je suis résolu à maintenir ma prétention. Oui, je suis aussi noble que n'importe qui. C'est là un terrain de discussion que, certes, je n'aurais pas choisi. Mais je vous prie de le remarquer, c'est vous qui êtes entré le premier. Jamais je ne me serais figuré que mon rôle en ceci serait de me défendre, de me justifier. Si telle est cependant la situation où me mettront les vôtres, je ferai de mon mieux pour m'en tirer à mon avantage. Mais ne m'avez-vous pas parlé il y a quelque temps de faire votre cour, comme nous disons ici, à ma mère et à mon frère? Ah, fi donc, je serai poli, voilà tout. Bravo, s'écria Valentin, ce sera amusant. Excusez-moi de prendre ainsi la chose, mais c'est que vraiment, ce sera un vrai spectacle. Un spectacle passionnant où, par sympathie pour vous, je tâcherai de me donner un rôle. Vous êtes un homme rare, j'ai foi en vous, et je me fais votre champion. Rien que votre admiration pour ma sœur m'est une preuve suffisante de la noblesse dont je m'inquiétais tout à l'heure. Tous les hommes sont égaux, surtout les hommes de goût. Croyez-vous, madame de Saint-Tré, déterminée à ne pas se marier ? Demanda Newman. C'est mon impression, mais qu'importe. C'est à vous à la faire changer d'idée. Je crains que ce ne soit difficile, dit Newman gravement. Ah, sans doute ce ne sera pas chose facile. En général, une veuve, à mon humble avis, a tort de se remarier. elle a conquis les avantages du mariage, la liberté et la considération, et elle n'en a plus les ennuis. Pourquoi se refourrer la tête dans le piège? Un seul motif pourrait l'y pousser, l'ambition. Si un homme lui offrait un titre de princesse ou d'ambassadrice, elle trouverait, peut-être, la compensation suffisante, mais autrement. Et dans ce sens, Madame de Saint-Try est-elle ambitieuse? Qui sait? Je ne prétends pas vous dire tout ce qu'elle est ou n'est pas. Il serait fort possible qu'elle fût éblouie par la perspective d'être la femme d'un homme illustre. Avec les femmes, l'improbable est souvent le plus probable. C'est pourquoi ne soyez pas trop confiant, mais ne désespérez pas. Votre meilleure chance de succès est précisément votre originalité, votre cachet, votre inattendu. Ne cherchez pas à copier tel ou tel, soyez vous-même et personne d'autre. Il en résultera sûrement quelque chose, et je suis impatient de savoir quoi. Je vous suis fort obligé de votre conseil, dit Newman, et il ajouta en souriant. Je suis en outre ravi de penser que je vais être si amusant. J'en suis ravi pour vous. Ce sera plus qu'amusant, ce sera enivrant. J'envisage la chose à mon point de vue, vous savez. Après tout, il n'y a rien de tel que le changement. Hier encore, je bâillais à me décrocher la mâchoire et déclarais qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui? Ah, bien. Si ce n'est pas du nouveau de vous voir introduit dans ma famille comme prétendant, je veux être pendu. Je ne dirai rien de plus. Je ne dirai pas « c'est bien ou c'est mal », mais seulement « c'est nouveau ». Allons, en avant mon brave, ajouta-t-il un instant après, mes vœux vous accompagnent. Mais il est vraiment déplorable que vous ne me rendiez pas justice et ne compreniez tout ce que je fais pour vous en ce moment. Oh, dit en riant Newman, ne faites rien de mal pour m'aider. Laissez-moi livrer à mes propres forces, ou soyez franchement contre moi. Je serais désolé de charger votre conscience du moindre remords. Bellegarde se leva. Il était évidemment excité. Son œil brillait plus que de coutume. Vous ne comprendrez jamais. Vous ne saurez jamais. Et s'il vous arrive de réussir, si je suis assez heureux pour vous y avoir aidé, vous ne m'en aurez pas la reconnaissance que je mériterais. Non. Vous serez excellent, comme toujours. Mais vous ne serez pas reconnaissant. Qu'importe, après tout. Je m'amuserai quand même. Il éclata de rire. Vous semblez embarrassé, ajouta-t-il, presque effrayé. « C'est bien malheureux, dit Newman, que je ne puisse vous comprendre. Je dois perdre quelques délicieuses plaisanteries. »« Je vous ai prévenu, souvenez-vous-en, continua Valentin. Je vous ai dit, nous sommes une singulière famille, et je le répète, car c'est l'exacte vérité. Ma mère est étrange, mon frère est étrange, et je crois parfois que je le suis encore plus qu'eux. Peut-être trouverez-vous ma sœur elle-même un peu bizarre. Les vieux arbres ont des branches tordues. Les vieilles maisons ont de singulières crevasses. Les vieilles races ont d'étranges secrets. Rappelez-vous que nous datons de 800 ans. Très bien. Voilà justement ce que je cherchais en venant en Europe. Vous faites partie de mon programme. En ce cas, touchez-la, s'écria le jeune comte en lui tendant ses mains ouvertes. Le marché est conclu. La vive affection que vous m'inspirez me décide. Mais ce n'est pas là ma seule raison. » Il gardait dans les siennes la main de Newman, le regardant de côté, malicieusement. « Et quelle est l'autre raison ?»« Je suis de l'opposition. Il y a quelqu'un que je n'aime pas. Votre frère. »« Chut !» fit Bellegarde, un doigt sur sa bouche. « Les vieilles races ont d'étranges secrets. Pour vous, agissez, allez voir ma sœur et comptez sur ma sympathie. » Et sans s'expliquer davantage, il prit congé de Newman. L'Américain s'assit dans un fauteuil devant le feu et resta longtemps immobile, les yeux fixés sur la flamme.